C'est ici que ça se passe et c'est comme ça que ça se passe dans ta hip-hop R&B ready. On va continuer à se mettre bien, à s'écouter du bon son. Et dans quelques instants, on sera de retour avec Rough Hands et leur morceau No More. Donc, bougez pas, il y a tout de suite sur Ado. Ado, hip-hop R&B radio. La playlist collector et nouveautés continue dans un instant. À tous ceux qui font leurs courses avec une calculatrice, à ceux qui savent calculer les pourcentages de tête et sans froncer les sourcils, même quand c'est 17%, et à ceux qui trouveraient ça plus simple sans tous ces 99 centimes. Pour arrêter de calculer, Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas, comme la pizza mozzarella Fiorini, une marque Intermarché à seulement 2,19€. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 355 grammes, soit 6,17€ le kilo. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dimanche 9 février, assistez à Crew Legend aux arènes Grand Paris Sud à Évry-Courcouronnes. Battle international de break, show multidisciplinaire et multiculturel avec les meilleurs crews mondiaux et français. Tarif unique 10€. Billets sur lesarènes-grandparissud.fr. Carrefour. Quand vous me dites, on fait comment pour cuire, rôtir, griller ou frire? Eh bien, je vous conseille la friteuse sans huile Air Fryer Carrefour Home avec une cuve de 9 litres et 12 programmes à 39,99€. Et c'est jusqu'au 16 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Avec Carrefour, goûtons au meilleur de la cuisine. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Référence HAF 9L180025, garantie légale 3 ans, détails sur carrefour.fr. La nouvelle co, c'est cadeau avec Intersport. Bon, l'équipe, des idées pour gâter les membres de notre programme de fidélité? Eh bien, 15€ de remise immédiate sur la nouvelle co. Ah ben voilà, ça c'est un vrai cadeau, ça de bien. Chez Intersport, jusqu'au 25 février, profitez de 15€ de remise immédiate des 60€ d'achat, même sur la nouvelle collection. Offre réservée à nos membres et nouveaux adhérents du programme de fidélité, la Team Intersport. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Si vous avez un enfant au lycée, alors vous avez déjà entendu ça. Non, mais l'énoncé était trop bizarre et on avait que 2 heures, c'est abusé. Mais grâce à Acadomia, maintenant vous entendrez ça. Bah, j'ai fini avant la fin et tu sais quoi? J'ai même eu le temps de relire. La dinguerie. Acadomia accompagne les élèves du CP à la terminale pour leur redonner le goût d'apprendre et le plaisir de réussir. Résultat, plus 4 points de progression en moyenne. Renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia, le plaisir de réussir. Études Consumer Live, juin 2024. La Maison de la Musique de Nanterre et le label Grand Standing présentent la soirée rap Collectif NTR avec LAT en showcase finale. Vendredi 7 février à 20h30, Collectif NTR à la salle des fêtes de Nanterre. Info et billetterie sur maisondelamusique.eu. Ceci est un message de sécurité Vérissure. Saviez-vous que 2 cambrioleurs sur 3 passent tout simplement par la porte d'entrée? Vérissure présente la première serrure connectée reliée à la télésurveillance. Elle détecte les tentatives d'intrusion et envoie un signal à nos agents de télésurveillance qui préviennent les forces de l'ordre en cas de besoin. Grâce à cette innovation, vous contrôlez l'ouverture et la fermeture de votre porte à distance pour ouvrir à qui vous voulez, quand vous voulez. En ce moment, moins 50% sur les packs en vous rendant sur verissure.fr ou en appelant le 3110. Offre soumise à condition. Un service opéré par Verissure, société agréée CNAPS. Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le verre et les bonnes affaires. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui Claire, en ce moment et jusqu'au 28 février 2025, Engie vous offre 100€ pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super ça Claire? Appelez le 3443, service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Chez Point S, on va plus loin quand on se connaît bien. Et justement, on sait que cette saison est votre terrain de jeu. Alors jusqu'au 15 mars chez Point S, pour l'achat de pneus Goodyear, TVA à rembourser et une Suzuki Ignis hybride à gagner. Pas de stress, il y a Point S. Conditions sur points.fr. Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme La Paire, proposent des promotions dans absolument tous les univers du magasin? Et absolument tout, c'est pas rien. Et oui, en ce moment et jusqu'au 17 février, La Paire vous offre 15% de remise des 1000 euros d'achat dans tous les univers du magasin. Oui, moins 15% des 1000 euros d'achat sur les cuisines, les salles de bain, les portes, les fenêtres, les escaliers. Alors forcément, vous trouverez la promo sur les produits qui vous intéressent. Profitez-en car une offre comme ça, même chez La Paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. La Poste. Carton plein, expression qui décrit une action très réussie. Ou bien un colis rempli dans lequel on ne peut plus rien mettre. Donc si on veut expédier d'autres objets, eh bien il en faut un deuxième colis. Alors jusqu'au 15 février, pour un colissimo acheté, le deuxième identique est à moins 30%. C'est ça les jours qui font du bien à La Poste. Renseignez-vous en bureau de poste ou sur laposte.fr. Dans moins d'une minute, retour du son hip-hop R&B. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, c'est la semaine américaine chez Lidl. Et c'est chaud pour nous ? Bah c'est même hot patron. Dès demain chez Lidl, les 4 pains à hot dog McKennedy de 250 grammes sont à 1,29€. Moins d'1,30€. Oh my dog. Ah oui, c'est une offre qu'a du chien. Toi t'es mal. Ouf. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. 5,16€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Chez Poltrone Sofa, nous devons faire de la place pour la nouvelle collection. C'est pourquoi il y a les grands stockages. Les dernières pièces sont à partir de 99€. Avant qu'ils ne disparaissent tous, venez vous aussi au grand stockage. Poltrone Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Ado. Ado, ado. Hip-hop R&B Radio. Sit back and chill, yeah. Give me a second and let me tell you how I feel. It's all around town, you've been stepping out, running your mouth about what make you think I wouldn't find out. Wasn't I there for you, truly care for you? Maybe my love was just too much. Could have had a good and that love is gone. Now it's back to your head with the 54-11s on. Does he let you with the fine? You was all about, but I'm having doubts, cause I see you trying to play me out. And when I brought my car, the crib would be, didn't I represent you when I caught him in the streets? So let me get the keys to the Lex, and then my checks, and then my hang up gets around your neck, babe. Can't even kick it no more, baby. Can't even kick it no more, baby.

like this all night. Put your, and let me hold it tight. You looking at my wrist saying, this so nice. The price, diamond shining, disco line. You better help me solve my problem. I'ma get this money and rob them. Lucky dog when I won the lotto. Ran up on my car, I'm carrying Rollo. But hold on, you can call me dirty. And then lift up your skirt. And you want some of this dirty. God made dirty, dirt busted. Nah, stop annoying me, yeah, play my music loud. And take the no dirty to move the crowd. Just say he had his in his mouth. Eddie Murphy taught me that back of the house. But give him the money. C'est sur votre hip-hop R&B radio que vous êtes branché et c'est Mist qui vous accompagne tout au long de l'après-midi en cette nouvelle heure. On va se mettre bien tout de suite avec Money Long et son morceau Made for Me sur Ado. Hip-hop R&B radio. C'est bien dans votre hip-hop R&B que vous êtes. On va continuer à s'écouter du bon son. Mais avant tout, on va voir qu'est-ce qui se passe. Du côté de la scène urbaine, on a enfin la date de l'album en commun entre Drake et Party Next Door. Leur album Some Sexy Songs For You sortira le jour de la Saint-Valentin. Ça sort le 14 février. Nous, tout de suite, on s'ambiance avec Jungle et VG Dream, Zao Alonso. Et on s'écoute tout de suite sur Ado. T'étais où? C'est qui, c'est VG, oh, capo, oh, Zao. Quand j'avais la tête sous l'eau, y'avait personne pour m'aider. Et j'avais mes sentiments sous scellés.

guitar makes me laugh, cause you got your dad's ears and all. Sometimes I wonder what you gonna be, a general, a doctor, maybe an MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line. True that, why you do that? I try to be a tough dad, but you be making me laugh. Crazy joy when I see the eyes of my baby boy. I pledge to you, I will always do everything I can, show you how to be a man. Dignity, integrity, honoring. I don't mind if you lose, long as you came with it. And you can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Against the world. It's a full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROM. See me, I'm trying to pretend I know on my PC where that CD go. But yo, ain't nothing promised. One day I'll be gone. Feel the strife, but trust life does go on. But just in case, it's my place to impart. One day some girl's gonna break your heart. And ooh, ain't no pain like from the opposite sex. Gonna hurt bad, but don't take it out on the next, son. Throughout life, people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Always tell the truth, say your prayers, hold doors, pull out chairs, easy on the swears. You're living proof that dreams come true. I love you and I'm here for you. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Taking the world. True that, true that. Just the two. On vient de se faire plaisir avec ce classique de Monsieur Will Smith, et Will Smith qui devrait arriver avec un nouveau projet courant 2025. On va continuer à se mettre bien, à s'écouter du bon son, et dans quelques minutes on sera de retour avec Mariah Carey, Jay-Z, et on sera de retour avec leur morceau Heartbreaker. Donc bougez pas, à tout de suite sur Ado. Tous les classiques des Fugees sont sur Ado. Ado. Hip-hop R&B classique. Chez Netto, profitez chaque semaine de 1000 prix imbattables garantis. Et vous, Capucine, en quoi êtes-vous imbattable? Même à l'improviste, je vous reçois comme un roi. Ça tombe bien, chez Netto, on est imbattable sur le prix des côtes de porc. Seulement 3,80€ la barquette de 400 grammes. 3,80€? Vous pouvez passer, je sais quoi préparer. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. Vous êtes vraiment imbattable. Netto, on gagne tous à payer moins cher. La barquette de 4 côtes de porc sans os Netto, soit 9,50€ le kilo. Plus d'infos sur netto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Madame, je veux pas vous mentir, hein. Les travaux auront 3 mois de retard. 3 mois? Oh là là! Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Oui, allô, pour vous dire, on aura 2 mois de retard sur le retard. Oh, 2 mois? Non mais c'est pas possible! Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme zéro, c'est le montant des frais sur tous vos retraits et paiements par carte à l'étranger. Fortunéo, j'aime ma banque. Sur les cartes éligibles et sous réserve d'acceptation, hors frais de conversion monétaire et de retrait perçus par le propriétaire du distributeur. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, c'est la semaine américaine chez Lidl. Et c'est chaud pour nous? Bah c'est même hot patron. Dès demain chez Lidl, les 4 pains à hot dog McKennedy de 250 grammes sont à 1,29€. Moins d'1,30€. Oh my dog. Ah oui, c'est une offre qu'a du chien. Toi t'es mal. Ouf. Lidl est vraiment le moins cher, et vous le prouve sur lidl-est-moins-cher.fr. 5,16€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Chez Point S, on va plus loin quand on se connaît bien. Et justement, on sait que cette saison est votre terrain de jeu. Alors jusqu'au 15 mars chez Point S, pour l'achat de pneus Goodyear, TVA remboursé et une Suzuki Ignis hybride à gagner. Pas de stress, il y a point S. Conditions sur .s.fr. La nouvelle co, c'est cadeau avec Intersport. Bon, l'équipe, des idées pour gâter les membres de notre programme de fidélité? Eh bien, 15 euros de remise immédiate sur la nouvelle co. Ah ben voilà, ça c'est un vrai cadeau, ça de bien. Chez Intersport, jusqu'au 25 février, profitez de 15 euros de remise immédiate des 60 euros d'achat, même sur la nouvelle collection. Offre réservée à nos membres et nouveaux adhérents du programme de fidélité, la Team Intersport. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme La Paire, proposent des promotions dans absolument tous les univers du magasin? Et absolument tout, c'est pas rien. Et oui, en ce moment et jusqu'au 17 février, La Paire vous offre 15% de remise des 1000 euros d'achat dans tous les univers du magasin. Oui, moins 15% des 1000 euros d'achat sur les cuisines, les salles de bain, les portes, les fenêtres, les escaliers. Alors forcément, vous trouverez la promo sur les produits qui vous intéressent. Profitez-en car une offre comme ça, même chez La Paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. À tous ceux qui font raclette et fondue la même semaine. On n'a qu'une vie, hein. À ceux qui jugent les autres. T'enlèves la croûte? Mais c'est le meilleur. Et à ceux qui ont déjà fait le quiz. Quel fromage es-tu sur Internet? Allez, avouez, on est entre nous, hein. Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Richemont, vous avez 60% de remise immédiate sur le second. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 16 février sur le moins cher des deux. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Cofidis présente projet numéro 10, faire des plans sur la comète. Vous attendez que toutes les étoiles soient alignées pour réaliser vos projets? Avec Cofidis, on a plus simple pour préparer l'avenir. Comme le prêt personnel à taux exceptionnel jusqu'au 10 février. Plus que quelques jours pour en profiter. Alors rendez-vous vite sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation. Dans moins d'une minute, retour du son hip-hop R&B. Carrefour. Quand vous me dites « Mangez plus de fruits et légumes », on en rêve tous, non? Eh bien, je vous réponds « Bienvenue au club ». Eh oui, activez vos avantages Club Carrefour dans votre appli et cagnotez 10% d'économie tous les jours sur tous les fruits et légumes. Et c'est dans tous vos magasins Carrefour et leur drive. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors produits réfrigérés, surgelés, conserves, fruits et légumes secs, détaillés magasins participants sur carrefour.fr. La Poste. Gros vénard. Mot familier désignant quelqu'un qui a de la chance. Comme par exemple cette personne qui, en farfouillant au fond de sa poche, tombe sur une pièce de 1 euro. Alors, jusqu'au 1er mars, offrez-vous le Motorola G24 Power pour 1 euro avec le forfait plus mobile 150 gigas de la Poste Mobile. C'est ça, les jours qui font du bien à la Poste. Rendez-vous vite en bureau de poste ou sur lapostemobile.fr. 1 euro avec la souscription du forfait 150 gigas à 21,99€ par mois, engagement 24 mois, voire condition au bureau de poste. Hip-hop R&B radio. Yeah, yeah. All right, let's go. I should have known right from the start. You wanna shop with Jay, play box with Jay. She wanna pillow fight in the middle of the night. She wanna drive my Benz with five of her friends. She wanna creep past the block, spying again. She wanna roll with Jay, chase skios away. She wanna fight with lame chicks, blow my day. She wanna respect the rest, kick me to the curb. If she find one strand of hair longer than her, she wanna love in the jacuzzi, rub up in the movies, access to the old crib, keys to the new. She wanna answer the phone, tattoo her arm. That's when I gotta send her back to her mom. She called me heartbreaker. When we apart, it makes her want a piece of paper. Scribble down, I hate ya. But she knows she love Jay because she love everything Jay say Jay does. And you got the best of me, but I just can't keep on. C'est la notation, elle est pina cotazo. J'suis numéro uno sans prétention. Chérie, en vrai, j'ai reçu les contrats. Donc je négocie, t'inquiète, j'ai les contacts pour changer. Je n'ai pas de compte à rendre, j'agis comme si j'avais deux, trois comptes en Suisse. J'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais. Chérie, moi j'ai mérité le repos minimum 5. Viens, j'ai un vito minimum 6. Million sur le déco, minimum 3. Un minimum 5. Mériter le repos, minimum 5. Fais acheter un vito, minimum 6. Million sur le déco, minimum 3. Un minimum 5. Pina Cotazo, 10 sur 10 c'est la notation. Allez Pina Cotazo, j'suis numéro 1 sans prétention. Y'en a, tu peux laisser tomber Boumara. J'ai dit juste de Dieu, y'en a. Repos bien mérité pour moi. J'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais, j'suis pas mauvais. J'ai moi j'ai mérité le repos minimum 5. Fais un chien vito minimum 6. Million sur le déco minimum 3. Un minimum 5. Mérité le repos minimum 5. Fais un chien vito minimum 6. C'est sur A2 que vous êtes branchés, on va continuer la semaine bien et là on va voir qu'est-ce qui se passe du côté de la scène urbaine. Babyface a été snobé en pleine interview ce week-end pendant les Grammy Awards. Et oui, lors d'une interview, une journaliste l'a brutalement interrompu pour aller parler à Chappell Roan, une chanteuse qui n'a même pas un an de succès, c'est juste une dinguerie, et qui représente qu'une infirme partie de la carrière du légendaire producteur Babyface. Ce geste a choqué de nombreux fans R&B, des artistes comme les Boyz II Men ont réagi et soulignent encore une une fois cette culture de l'instantané où l'expérience et le talent sont sacrifiés au profit du buzz. Franchement, je vous cache pas, ils ont totalement raison. Là, on va s'écouter Monsieur Greg David et son morceau You Don't Miss Your Weather sur Radou. As I sail with you across the finest oceans, on our way to find the key to our emotions. Together we will move the clouds to brighter days. Some people question what I say, try to break up you and me. But I know this love between us is growing stronger. You can call me whenever, from wherever. Just remember that, and I'll be there through all the storm weather. Let's break up never. No, we'll be together forever. My eyes sit back while reminiscing of when we used to fuss and fight but end up kissing. There may be sad and painful times along the way, but in my heart you'll always be everything and more to me. For I know this love between us is growing stronger. You can call me whenever, from wherever. Just remember that, and I'll be there through all the storm weather. Let's break up never. No, we'll be together. Get the feeling you wanna. to play around, start cheating, man, but you don't miss your water till the well runs. On va continuer dans la joie et dans la bonne humeur à s'écouter du bon son. Mais avant tout, on va se faire un petit gossip time. Il y a déjà 32 ans, Michael Jackson marquait l'histoire avec une performance juste inoubliable et incroyable au Super Bowl. L'événement a été suivi par 300 millions de téléspectateurs en direct dans le monde. Et n'oubliez pas, hein, ce week-end, c'est monsieur Kendrick Lamar qui va performer à la mi-temps du Super Bowl. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Nous, tout de suite, on s'écoute Ariana Grande et son morceau One Last Time, sur Ado. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I wanna know, I wanna know, she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. And I know, I know, I know, I know that you got everything, but I got Tyla avec Push to Start sur Ado. The way we move, skin on the skin. No separation, need no conversation, nah, nah, nah. On everything, it's automatic going table to a high, nah, nah. Ride and wishing the wheels will fall off. Time is ticking, it's taking you too long. Right before I decide to go. Tell me where we come, pick a destination. Only serve it up if you deserve for me, yeah. Pull up and hurt me. Push the star. On vient de s'ambiancer sur Push to Start, le morceau de Tyla. Bougez pas, restez là. Et dans quelques instants, on sera de retour avec Lil Weezy, Lil Wayne, Static Major. Et on sera de retour avec leur morceau Lollipop. A tout de suite sur Ado. L'héritage du hip-hop R&B est ici. Ado. Hip-hop R&B Radio. Toyota. Sérieux, j'en ai marre. J'ai aucune de mes relations qui dure. On parle pas, c'est la même pour moi. La dernière a tenu 2 mois. 2 mois. Moi, 3 semaines. Si seulement elle pouvait durer aussi longtemps que ma garantie Toyota Relax. Oula, 10 ans. Ça fait beaucoup quand même, non? Eh oui, jusqu'aux 10 ans de votre véhicule Toyota, même s'il est d'occasion, bénéficiez d'un an de garantie Toyota Relax pour chaque entretien effectué dans le réseau Toyota. Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'aux 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier des deux termes matin. Voir conditions sur toyota.fr. Carrefour. Quand vous me dites, quant au dessert, il y en a un qui veut un café, l'autre un thé et le dernier un chocolat, non mais les gars, pas de problème. Avec 50 euros de remise immédiate et 5 euros d'économie cagnotée avec votre club Carrefour, la machine multiboisson Tassimo Happy Bosch à 79,99 euros revient à 19,99 euros. Et c'est jusqu'au 16 février chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Quantité limitée à 9000 pièces, référence TAS 1006, garantie légale 2 ans, détaillé magasin participant sur carrefour.fr. Vous voulez des essuie-glaces gratuits? C'est en ce moment chez Carglass. Et oui, jusqu'au 21 février, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glaces Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Leclerc, bonjour. Bonjour, c'est top, votre semaine en Tunisie à 349 euros. Mais c'est vraiment tout inclus? Oui, tout. L'avion, l'hôtel? Oui. Et les repas? Bien sûr. Et la crème solaire? Alors ça non, mais glissez-en une dans votre valise. En ce moment, chez Voyage Leclerc, le séjour 7 nuits en Tunisie tout inclus est à partir de 349 euros. Chez Leclerc, on sait que dans la vie tout coûte, alors on se bat pour que tout coûte moins cher. Vos courses comme vos vacances. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Prix par personne, hors assurance Alliance Travel. Plus d'informations sur www.leclercvoyage.com. Leclerc. Saviez-vous que les bijoux en or 9 carats contiennent 2 fois moins d'or que les bijoux en or 18 carats? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils vous sont régulièrement vendus plus cher. Pour la Saint-Valentin, si vous voulez offrir des bijoux en or 18 carats vraiment pas cher, rendez-vous au Manège à Bijoux. Le Manège à Bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats, 750 millième. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Relevé de prix réalisé sur échantillons représentatifs de bijoux concurrents en or 18 carats 750 millième et 9 carats 375 millième du 18 avril 2024 au 6 janvier 2025. Comment faire d'une location de vacances banale un séjour à Britel? Imaginez une location avec un hôte qui vous fait visiter toute la maison. Maintenant, dites-lui au revoir. Et voilà, l'hôte n'est plus là. Maintenant, c'est une location de vacances à Britel. Vous préférez déjà à Britel. Alors, cette voiture? J'hésite entre thermique et électrique. Bah, prenez les deux. Attendez, vous me dites d'acheter 2 voitures? Non, je dis juste qu'avec notre nouvelle gamme hybride, vous avez le meilleur des deux. Après, si vous voulez vraiment 2 voitures... Ah. Avec la nouvelle technologie Volkswagen e-hybride, vous avez enfin une bonne raison de ne pas choisir. Nouvelle Golf e-hybride, jusqu'à 143 km d'autonomie en 100% électrique et 943 km d'autonomie cumulée. Distance totale max en combinaison essence électrique. L'autonomie réelle en mode tout électrique dépend de nombreux paramètres. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le verre et les bonnes affaires. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui, Claire, en ce moment et jusqu'au 28 février 2025, Engie vous offre 100 euros pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité. Et bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire? Appelez le 3443, service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. La Poste. Mais non, Expression de surprise, prononcée quand on se rend compte qu'on aurait pu se faciliter la vie si on avait regroupé tous ces crédits en un. Alors, pour simplifier la gestion de votre budget, il y a le rachat de crédit de la Banque Postale. Et jusqu'au 2 mars inclus, les frais de dossier sont à 0 euro. C'est ça, les jours qui font du bien à la Poste. Plus d'infos en bureau de poste et sur labanquepostale.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Consumer Finance. Délai de rétractation de 14 jours calendaire, La Banque Postale intermédiaire de crédit du prêteur. Dans moins d'une minute, retour du son hip-hop R&B. Tous les ans, 300 millions d'euros sont gaspillés par les Français parce que leur compteur électrique est trop puissant. Votre fournisseur n'a rien dit ? Octopus Energy, si. Vérifiez gratuitement si la puissance de votre compteur correspond à vos besoins sur octopusenergy.fr. Selon une étude interne menée en 2024, voir tous les détails sur octopusenergy.fr/compteur. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ok, à toi. Et paf, plus 4 cartes. Oh non. Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et boum, x2. Quoi ? Tu pioches 8 cartes. Oh non mais sérieux, cette chance ! Oh là là, 3, 4, 5, c'est interminable. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme 0, c'est le prix de notre carte Gold Mastercard. Et c'est seulement chez Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. À partir d'un paiement par mois, voir autres conditions et tarifications en vigueur sur fortunéo.fr. Ado. Radio. I say he's so sweet. I wanna let the rapper. So I let it the rapper. She say I'm like a lollipop. She say I'm like a lollipop. She say I'm like a lollipop. She say I'm like a lollipop. So I told her back it up like burp, burp. And I made that ass jump like jerk, jerk. And that's when she say I'm look like a lollipop. Oh yeah, I like she say that. I'm like a lollipop. Where that she with ain't shout to say the n that she with ain't this. Shout to say the n that she with can't get. But shout it, I'ma hit it like a can't miss. And can't do this, yeah, don't do that. Shout it, need a refund, need to bring that n back. Just like a refund, I make her bring that n back. And she bring that n back. Because I like that. Like a lollipop. Shawty say I'm look like a lollipop. She say I'm look like a lollipop.

get through these courtiers. I swear their stairs are specimens. Smooth as any portier, clean cut and dapper. Seems he straight and narrow, tingle in the bone marrow, tamed to all my new apparel. But I ain't that aggressive. Instead, I act suggestive. Bat my eyelashes, make through the subtle passes. Time perfectly with the classic under my dark glasses. I'm mouthing all the words to blue magic. With all due respect, he approached it. Then off of the roach clippers, I respectfully declined to smoke it. Broke it to ice, his demeanor was nice. He tried to freak it to my mental. Hey, yo, it wasn't accidental. Yo, his talk was slick. My resume is kinda thick. So let's blow this thing, girl, and check this flick. And show me why I paid it live. Ain't your average click. Recognize paid it live. Recognize paid it live. About to lock. All my time, it could be spent with you. Okay. So what you gonna do? What? It's make like, sure right? Your game is true. Yeah. Come on. Car, but we should keep it in the lot. I got an urge to ride the train. Do some walking in the rain. It sounds insane, but meditating for the brain. Plus, I like to get to see if you as crazy as you claim. Dope blowing like iceberg slimming down on blowing. Uncut, it's all raw dog. Hit me off, paid in line, baby girl. I'm saying this connection be hit through your burrow, territory, your section. True, dirty. I come correct in Armani denim. Truck jewels, top gear, and Willie wear linens. No question, I'll show you affection as I proceed to lead your direction. These procedures that you agreed to, I'm gonna need to know a little more about yourself and family. But who's paid and who's live? Where you live? What you drive? Ever did a homicide? Let our molecules collide and time will tell. If you can endure with them, if you're trying to knock it down, then I'm not the type of girl. My mind's a pearl, and I done been around the world. But if you righteous, I might just let you spend the night in all my time. It could be spent with you. So what you gonna do? C'est comme ça que ça se passe dans ta hip-hop R&B radio. À n'importe quelle heure de la journée, tu peux entendre que du bête de son. Et là, on va se mettre bien avec Flo Glorilla et leur morceau In My Bag sur Ado. Gucci Louis Vuitton. Just know when you see me, I'ma put that shit on. It's Baba when I walk in. I got that sunshine in my pocket. My body, mind, and soul connected. What I got is manifested. I don't even got to try. When you see me, know I'm in my bag. To the flow like I can't get a devil time of day. DJ says, hold, y'all ain't in the mix, y'all in the white. And if it's bad a check, tell them CC got it right away. Yeah, flow, world screaming, yeah, glow. They like, damn, you rent it, check up fast on them snail hoes. 20 in the Chanel store, barely send them mail, bro. We got them stuck like Velcro. Bad out. down, kiss my shell. Paul, worship me. I'm the biggest, not a worker, I'm the biggest. Big old booty, fat ass coochie, got him screaming, hallelujah. I got rich up off this flow. In my bag up on these hoes. B-I-G, G-L-O. See me now, I'm in my bag. See me, no, I'm in my bag. I do. Adéo, adéo, adéo. Et bien sûr, adéo. Vale, balanco. Mister Oviedo. Roldán de Oricha. Sabemos dónde estamos. Sé qui on est. Sabemos quiénes somos. Sé où on est. Y sabemos dónde vamos. Sé où on va. Au bord de la rupture d'un névrisme. Africain, latino, lyrical, tourisme. En première classe, on charter. Mais sans cesse, c'est le voyage. Le son berce du hublot, je mate les nuages. On aime la vie, bien qu'elle s'obstine à nous mettre des coups. La ghetto froideur peut réchauffer comme dans un igloo. Tant qu'on est libre, faut pas se plaindre, pour ça se sous écrou. Où qu'on soit, on conçoit tous de sortir ce trou. Les mêmes convictions, car à dégoût. Notre bonheur est de nous reproduire, on a pris goût dégoût. La vie dégoûte, tout ce qu'on appelle à tricoter. Tu veux violer la chance, elle te laisse à peine la tripoter. Ceux qui se contentent de peu vivent mieux. La plupart des riches, nerveux, prétentieux, ignorant Dieu. En mon âme et conscience, je fixe le miroir. Je me dis ça c'est moi, je retiens l'espoir du bout des doigts. Y croire c'est tout ce qu'on a. On n'attend pas la météo pour mettre un gilet sous le pull. Moi je veux une fille qui me ressemble, qui cache son boulet avec un petit pull. Que des faux les clopes en vitrica et hueso. Imagine Tony Man, ils épequenio danser sur ce morceau. Ma voix fait du bien à ceux qui sentent seuls. On a toujours besoin de quelqu'un, personne s'enterre tout seul. Chacun sa dose de douleur et de joie. On se tape pour passer à un autre stade. Nous sommes pressés, oppressés jusqu'à devenir instable. Société conce, donne des connes, sois bonne et tais-toi. Consume-toi, ton aise, oublie-toi. En manque de ma paix, ça dans l'embarras. Relève la cabeza, libérateur comme Che Guevara. De Paris à Bogota, Caracas, Cuba style. Ahora vamos traduciendo. de CS. Vous êtes là, vous, il faut être sur Rado. On va continuer à se mettre bien, on va continuer à s'écouter du bon son. On aura droit en 7h à Fergie, YG, Chris Brown. Et là on s'écoute Missy Elliott, Nas, Q-Tip avec leur morceau Hot Boy sur Rado. Ado. Hip-hop R&B radio. This is for my ghetto motherfuckers. 40 side felony, misdemeanor, mischarge, murder. Escobar, CBR bike, I'm switching gears, headlights, shine so bright. Streets like this, them fiends want that D, boy. Feds sending decoys, pack that heat, boy. Push you where you rest in peace, boy. Get your mama's house shot up, bodies all chopped up. When them bodies pop up, I ain't getting locked up. My Bentley cruised the block with the sun rooftop. Hood rats jumping on my jock, cause I blew up the spot. Crushing your bins, crushing your navigator system. My QB beats make y'all tuck it in that. It's Nas in your area, Queens about to tear it up. Braveheart, y'all scared of us. Real stay be up. What's your name? Cause I'm impressed. Can you treat me good? I won't settle for less. You a hot boy, a rock boy, a fun toy, toy a Glock boy. Where you live? Is it by yourself? Can I move with you? Do you need some help? Cook boy, I give you more. I'm a fly girl, and I like those boys. Say what? Baby, you got what I want. And the Benz Jeeps and the Lincoln Jeeps, nothing cheaper. Got them platinum Visa. Hot boys, baby, you got what I want. See, cause y'all be driving Jaguars and the Bentleys and the Rolls Royces, playing hardballs with them platinum Visa. Is that your car, the SK8? Are you riding alone? Can I be your date? Come get me, get me. Don't diss me, don't trick me. Got some friends, can they come too? Can you hook them up with some boys like you? A hot boy, a rock boy, a top boy. And I like those hot boys. Baby, you got what I want. And the Benz Jeeps and the Lincoln Jeeps, nothing cheaper with them platinum Visa. Because y'all be driving Jaguars and the Bentleys and the Rolls Royces, playing hardball with them platinum Visa. Only take them thugged out, slightly bugged out, with his tongue out. Know the job ain't getting done till the body's getting drug out. Hot boy, keep me right. Play your part and I keep it tight. Well, she gon' be in the middle of the night, but up in the sheets with me, aight. Gangsta, true to your game, street master. You the one I need when this beef street blaster. Ain't afraid to stop a cat, plus pop a cat. Soldier cash money, rule your world. What's topping that? S430, keep me on my toes. Get a tingle in my spine. Wet spot, only he knows. He's a hot boy. Missy, sing it out and I'm gon' spit it. Rough rider screaming loud, daddy, is you with it? If your team can't handle my b- then we gon' ride. Brick house, stallions, keep thugs open wide. Illidale's best, EVE, stay committed. Mess with many, but if he ain't the realer, I ain't with it, with it. Mommy, what the deal? Ain't no heat, get hotter than the heat. A nigga hold, I think you really should be told that I deal with long shafts that keep a long blast. Now look at it again, yeah, and peel all fast. Come on. Word, you got your girlfriend, word, she can get it too. Get the I'm on the show, I'm saying, oh, just play it through. Getting cinematic with it. If you gotta hit it, f- the dumbness. Hit it till it's numbness. C'est Mist qui vous accompagne en cette fin de journée. On va continuer à se mettre bien, à s'écouter du bon son. Et là, je ferai ma petite rubrique. Tu le savais ou pas? Il y a déjà 12 ans, La Fouine sortait son album classique Drôle de parcours, un album rempli de bangers, dont celui-ci. Ma meilleure en featuring avec Zao. Donc n'oubliez pas, La Fouine sera du côté de l'Accor Arena de Bercy le 4 et 5 avril pour un concert incroyable. Donc je sais que la date du 4 est complète. Il reste encore quelques places pour le 5 avril. Donc tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. Vous êtes là, oui, faut être sur Ado. Et là, on s'écoute Chris Brown et son morceau Résidual. All my mornings, everything is faded. Maybe this is karma, definition of JD. This day's on my mind, this day's on my mind. Trying to put a muzzle on my crazy feelings. 1 minute I'm cool and then the next I'm tripping. No, with somebody new, I swear she don't deserve it. It's still on my mind. She's still on my mind. And we build it up, build it up. Just to let it wash away. Tell me, did I lace you up? Lace you up. Just to watch you run. Better not give her my nickname. I don't like thinking about it. I swear that it's wearing me down, no. But tell me, ooh, who's getting all of mine? Who's getting all of mine? Residuals. Love is blind. Can we build it up? Build it up. Jump from SoCal, Hollywood to the slums. Chronic smoke, get burnt by the California sun. On the west side, east coast, where you at? Just got to New York like a net on a jet. To London, to Brazil, to Quebec. Like the whole damn world, to Quebec, to Ferg. Tell them, lay back, slow down. Better represent when we come to your town. So lay back, slow down. What you represent when we come to your town? Say, get in with the business, I'ma be there in a minute. I just booked a Paris ticket, thinking Russia need a visit. I'ma run it to the limit, and me, I'ma win a Venice. LA got the people saying, from the plaque to the everything fat, got muscled on a track. My girls all stacked. When I roll down the window, let me know where you at. Atlanta, North, South, Kekalak, Texas Grill, Cadillacs, through Miami, then back to London, Jamaica, then France. The whole damn world took effect to fart. Tell them, lay back, slow down. Better represent when we come to your town. So lay back, slow down. What you represent when we come to your town? Say, get in with the business when I come from Kansas City. Hit Manila till it's Christmas, out to India. Visit Puerto Rico, it's exquisite. Bring my people back to Venice. LA got the people saying, La Puente, say, S-I-D-E. Where you from? I'm from Westside, California, baby. Roll the weed in our backyard, the melon, it ain't hard. My mama be like, why is you so red? Have you ever seen a gangster nigga make $1 billion? Drake did it, he from L.A., so pop your cop. The LAPD be all over me, trying to ban me from my own BT. But for no reason, the cops just killed that. Home on the ride, the king ride, the shit be wild. I hit the club and party like I scored a touchdown. I pop a bottle and all the models wanna fuck we down. We jamming on Pico, bossing over on Sunset. Or I can take you to Venice Beach and watch the sunset. Or I can take you to the Bibbers game, court seat, floor side, eating all Roscoe's got the chicken wings. C'est comme ça que ça se passe ici dans ta hip-hop R&B Ready. On va continuer à se mettre bien, à s'écouter du bon son. On est le mercredi 5 février et là on vient de s'ambiancer avec Fergie, YG et leur morceau LA Love. Bougez pas, restez là. Dans quelques minutes, on sera de retour avec Sensei, Joe Edouard Filet et leur morceau Honnête d'Amoiseau. Allez, à tout de suite sur Ado bien sûr. Tous les classiques du 113 sont sur Ado. Vous voulez rester à la cité, mon père m'a dit. On est jeune et ambitieux, Ado. Enfin vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la vie si tu veux. Tu veux. Ado. Ado. Ado. Hip-hop R&B classique. Leclerc, bonjour. Bonjour, ici Gaëlle, votre primeur Leclerc. Je viens de recevoir de magnifiques avocats. Oh, ça j'adore. Vous n'êtes pas la seule. C'est tellement bon en guacamole ou en salade. Ou sur un toast. Oui, et le lot de deux avocats affinés est à seulement 1,69€ du 4 au 8 février. Donc 85 centimes pièce. Eh ben avec vous, les avocats ont trouvé un bon avocat. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété As, catégorie 1, calibre 203-243 grammes, origine Maroc, Espagne et autres pays. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. L'Agir Carco est à vous. Et c'est pour ça que je suis rassuré. À 2 ans de la retraite, j'ai créé mon espace personnel sur le site de l'Agir, l'Agir Carco. Et quand j'ai des questions, je vais voir mon conseiller près de chez moi. En plus, il me propose des services pour mieux préparer ma vie à la retraite. Voilà. Parce que la retraite complémentaire, c'est le patrimoine de tous les salariés du privé. Vous serez toujours chez vous dans les 600 lieux d'accueil et de conseil de l'Agir Carco. Et en plus, c'est gratuit. Agir Carco, la retraite a de l'avenir. Rendez-vous sur agircarco.fr. Carrefour. Quand vous me dites « Mangez plus de fruits et légumes », on en rêve tous, non? Eh bien, je vous réponds « Bienvenue au club ». Eh oui, activez vos avantages Club Carrefour dans votre appli et cagnottez 10% d'économie tous les jours sur tous les fruits et légumes. Et c'est dans tous vos magasins Carrefour et leur drive. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors produits réfrigérés, surgelés, conserves, fruits et légumes secs, détaillés magasins participants sur carrefour.fr. La nouvelle co, c'est cadeau avec Intersport. Bon, l'équipe, des idées pour gâter les membres de notre programme de fidélité? Eh bien, 15 euros de remise immédiate sur la nouvelle co. Ah ben voilà, ça c'est un vrai cadeau, ça de bien. Chez Intersport, jusqu'au 25 février, profitez de 15 euros de remise immédiate des 60 euros d'achat, même sur la nouvelle collection. Offre réservée à nos membres et nouveaux adhérents du programme de fidélité La Team Intersport. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr. J'adore hein? Oh, j'adore. Mais qui? J'adore. Mais quoi? Mais là, j'adore Week chez Centracor. Tous les meilleurs produits sont à prix canon. C'est pas vrai? Si. Les tables basses, les consoles, oh, le super fauteuil en rotin, wow, le miroir vague, le porte-serviette ah, bambou, ouais, de la vaisselle trop classe, le fameux lit cabane et les nouvelles chaussettes à paillettes sont à 3 euros la paire. Oh, j'adore. C'est la J'adore Week chez Centracor. Des prix encore plus mini. J'adore aller chez Centracor. Foncez vite en magasin. Bonjour, monsieur Géniaud. Bonjour. Je regardais les extensions sur Rénoval.com. C'est extraordinaire. Ça peut être une cuisine, une salle à manger, un bureau, un salon au bord de la piscine. Finalement, c'est comme un comédien qui pourrait jouer tous les rôles. Comme vous. Vous me gênez. En ce moment, chez Rénoval, la pose est à 1 euro. Conditions sur Rénoval.com. Mon extension, ma véranda, c'est Rénoval. Point final. La Poste. Carton plein, expression qui décrit une action très réussie. Ou bien un colis rempli dans lequel on ne peut plus rien mettre. Donc si on veut expédier d'autres objets, eh bien il en faut un deuxième colis. Alors jusqu'au 15 février, pour un colis Simo acheté, le deuxième identique est à moins 30%. C'est ça les jours qui font du bien à La Poste. Renseignez-vous en bureau de poste ou sur laposte.fr. Cofidis présente projet numéro 10, faire des plans sur la comète. Vous attendez que toutes les étoiles soient alignées pour réaliser vos projets? Avec Cofidis, on a plus simple pour préparer l'avenir. Comme le prêt personnel à taux exceptionnel jusqu'au 10 février. Plus que quelques jours pour en profiter. Alors rendez-vous vite sur cofidis.fr. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Ah, le patron, le pain suisse est à 45 centimes. 45 centimes ? C'est pépite cette offre ! Oh, c'est même pépite de chocolat, patron. Dès demain, les 4 pains suisses, dont un offert, sont à 1,77€, soit 45 centimes la pièce de 90 grammes. Oh, 1,84€ ? Par ça alors ? Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinschers.fr. 6,56€ le kilo et 4,92€ le kilo avec un produit offert. Offre valable jusqu'au mercredi 12 février. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dans moins d'une minute, retour du son hip-hop R&B. Madame, je veux pas vous mentir, hein. Les travaux auront 3 mois de retard. 3 mois ? Oh là là ! Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Oui, allô, pour vous dire, on aura 2 mois de retard sur le retard. Oh, 2 mois ? Non mais c'est pas possible. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme zéro, c'est le montant des frais sur tous vos retraits et paiements par carte à l'étranger. Fortunéo, j'aime ma banque. Sur les cartes éligibles et sous réserve d'acceptation, hors frais de conversion monétaire et de retrait perçus par le propriétaire du distributeur. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos endives Origine France ont tout d'une très bonne endive. Une fois coupées et assaisonnées à souhait, elles susciteront chez vos invités des réactions comme « Non mais waouh ! Mais je pensais pas qu'un jour j'aimerais ça !» Oui, vraiment, nos endives ont tout d'une très bonne endive, mais à prix discount. 1,89€ seulement le sachet de 1 kg. Oui, 1,89€, pile poil. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 8 février. Info sur aldi.fr. Ado. Hip-hop R&B Radio. Tu veux rester, mais je suis pas investi. Toi, tu veux tester, j'ai pas le cœur sous la veste. Si j'investis, t'es le pas de reste. C'est toi le festin. Pas de boisson, c'est toi là-haut. Ni d'un oiseau. Tu finiras dans my eyes only. Pour ce toi et moi, y'a plus de raison. T'es le rêve de toutes mes insomnies. Baby, allez, bosse. Baby, baby, allez, bosse. Elle a donné sans effort. Elle s'est même bougée sans l'effort. Oh, Nina Moiseau. J'ai un bolide dans la gorge. Sans colis d'Amazon. Elle boit au Nina Moiseau. Baby, allez, basse. Baby, baby, allez, basse. Elle a tout, mais elle fait des faces. Je suis dans les bails, je sais comment t'éteindre. Je suis très près du sale, je sais comment descendre. Tu sais que je fais du mal, mais tu bouges pas, c'est dingue. Chouchou des femmes dans mon iPhone, c'est blindé. Dis-moi tout, dis-moi baby, on fait comment. J'ai le truc qui vibre avec télécommande. Non, je suis pas trop dans l'love, j'ai déjà donné, j'avoue. Je suis pas trop dans celle qu'on a mélangé partout. Baby, allez, basse. Baby, baby, allez, basse. Elle a donné sans effort. Elle s'est même bougée sans effort. Oh, Nina Moiseau. J'ai un bolide dans la gorge. Sans colis d'Amazon. Elle boit au Nina Moiseau. Baby, allez, basse. Baby, baby, allez, basse. Elle a tout, elle fait des faces. Tape, man. Listen to my tape. I waited, time went by. All I could do was cry. Silly, silly. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around me all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. These days, just a friend. Uh-huh. Now now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He says he's just a friend. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around all the time. I'll be your best friend. If you promise you'll be mine, girl, promise you'll be mine. He says he's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. Say he's just a friend. First we get to talking, then we get to touching. If we get past the phone games, we'll be fucking. I kiss like the French to put my tongue in your ear. Do it like the dogs do a girl and pull on your hair. For me a different scenery just means a different position. In the tub or on the sink, I improvise, now listen. In the chopper on the jet, join the Maha Club. I'm the fool, I know money can't buy me love. But I'm a different type of nigga to make sure that you know. Instead of a rose, there's 100 dozens of those. See, I see something special when I look in your eyes. With your legs way back, I say this pussy is mine. If you ain't sure when I'm talking, I don't tell you no lies. But there's things that you say that have me wondering why. When I don't say what I'm thinking, it don't mean that I'm shy. Got on that shit that you picked out for me, that's why I'm so fly. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around me all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He say he's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He say he's just a friend. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He say he's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He say he's just a friend. If I was your wife in your bubble bath, I can wash on your back. When you're putting on your lotion, I can help you with that. I sit and think of things to say that may make you smile. Or give you gifts from my heart to reflect my style. The slang I use when we build may change how you talk. And if I'm focused when I'm stroking, I could change how you walk. It's the swagger that you come with when you come from New York. I'm a hustler, I just hustle in the things that I bought. Separate me from the rest, I feel like I'm the best. If there's a price to pay for feeling you, I pay that twice. I'm as ghetto as it gets, girl, you know that's right. I ain't got nothing to hide, baby, I'll tell you my secrets. Before you end up being around long enough to peep shit, I get closer to you, I mean closer than close. I get into you after I take off my clothes. Girl, I've been into you mentally long before. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around me all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He say he's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He say he's just a friend. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine. Girl, promise you'll be mine. He say he's just a friend. Uh-huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. He say he's just a friend. If I was your best friend. Vous êtes toujours sur Ado et pour tous les fans du film Destination Finale, on a la date du prochain Destination Finale. Destination Finale 6 est prévu pour le 14 mai au cinéma. Là, on se met bien avec TLC et leur morceau No Scrubs sur Ado. Scrub is a guy that can't get no love from me. love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me? C'est donnant, donnant, donnant, donnant. Dis-moi toujours oui, t'auras tout ce que tu demandes, ce que tu demandes. C'est pas pour tout de suite, mais y'aura la bague en diamant Y'a que dans tes bras que j'ai pas peur de la mort. Oh non, mais qu'une certification, j'ai une femme en or. Oh non, ma priorité, je réaliserai ce que tu veux. Quand tu dors, un rêve éveillé, ton regard dans le mien me montre. J'ai grandi dans la rue, j'ai le cœur en ciment. Évidemment, évidemment, j'ai reçu de l'amour, j'en redonne, c'est donnant, donnant, donnant, donnant. Dis-moi toujours oui, t'auras tout ce que tu demandes, ce que tu demandes. C'est pas pour tout de suite, mais y'aura la bague en diamant, bague en diamant. Évidemment, évidemment. J'ai ramené des kilos de love comme un trafiquant d'import et sport. J'ai tout détaillé, j'ai mis dans le froco du coup. Et sport passera la douane à 200 km sur le tableau de bord. C'est fort, ton cœur bat trop vite et le siège en cuir absorbe tes formes. Sur Ado, et je vais en profiter pour faire une petite hip-hop news, et on va parler du célèbre producteur DJ Moustard qui a produit énormément de bangers pour pas mal d'artistes, dont celui-ci, le morceau de l'année. They not like us. Le producteur DJ Moustard et la marque Hens collaborent sur une sauce moutarde. Quel move pour lui. Vous êtes là où il faut être sur Ado. Et là on enchaîne avec Robin Tilk, T.I. et Pharrell Williams. Et on s'écoute Blur Red Line sur Ado, bien sûr. Ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui, t'as vu ton plus grand.

got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda, yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Can you stay flexing on me? Yeah, you got that slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, yum, yum, yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. True spit. All I want is bad chicas. I don't want no mediocre. No, don't want no mediocre. I don't want no mediocre. No, bad mama cedars. Ain't no mediocre. No, don't want no mediocre. I won't hit no mediocre. Yeah, bad chicks. Standing on a mediocre. On a mediocre. You stand on a mediocre. Seven women with me and none are mediocre. From their head to their toe, they so far from mediocre. Right hand in the air. A solid swell. I never go with her, she don't do her hair no more. And you don't get no kiss if it's a bush down there. Girl, I should see nothing but nookie when I look down there. They come and get with me, shout it, what better to do? He callin' at you, how you doin'? Tell him better than you. Yeah, I'm kicked back with four pieces like a Kit Kat. Me hittin', if you ain't a dime, just forget that. Pretty face, flat ass, and she don't have. And one of these, well, I think I pass. I just handed her the key to a new dry jam. When she took it, I took it back. You should've asked for a bean. That mediocre, yeah. Cause I don't want no mediocre, don't want no mediocre, I don't want no mediocre, no. Bad mama cedars, ain't no mediocre, don't want no mediocre, I won't hit no mediocre, you. Bad chicks, starting on a mediocre, on a mediocre, you start on a mediocre. Seven women with me, and none are mediocre, from their head to their toes, they so far from mediocre. Heard he wanna lay it down on Iggy Iggy, gave it to him twice, now he wanna three Mike Bibby Diva, but I need a bad boy, rest in peace, Whitney, pardon me, but I don't think none of these bitches. with me. Wanna billboard, stop running in place. Heels on me saying give me 6 inches of space. Course side, why designer frames cover my face. Now everybody in the game wanna get him a taste. I'm still grand hustle first lady. You pay me that he won't go 12 rounds with $1 million baby. I could change your life quick, stop playing with me. And if you ain't talking money, what you saying with me? I don't want a bad chick, cause I don't want no mediocre. I don't want no mediocre, I don't want no mediocre, no. Bad mama see this ain't no mediocre. I don't want no mediocre, I won't hit no mediocre, yeah. Bad chick, starting on a mediocre. On a mediocre, you start on a mediocre. Seven, women with me, and now I'm mediocre. From their head to their toes, they're so far from mediocre. I'm in Brazil with a chick. Kept me in the mansion in the heel with a chick. Get out in tennis shoes, throw some heels on a chick. I'm the type of guy to split a meal with a chick. Hold up, only if she bad though. I had trying to find someone that better than my lab. Take her to my castle, drown her in my cab. Say her things a little, she can fit it in her way. Told me she can't ride that damn no further than a cab. Said I got that down down. She wanna be my tutor, so she give me brain, get into it on the scooter. That's it, on the beat from Bermuda to Cuba. I need a lot of dime, but I'm looking for a cutie chick. Give me that, what she said when she got to sit. When I ain't around, give a damn who you do it with. Super thick, pretty face, menage, then take 20 at the same time. Wanna get your rent paid? I don't want a bad chick, cause I don't want no mediocre. Don't want no mediocre, I don't want no mediocre, no. Bad mama see this ain't no mediocre. Don't want no mediocre, I won't hit no mediocre, yeah. Bad chick, starting on a mediocre. On a mediocre, you start on a mediocre. Seven, women with me, and none of mediocre. From their head to their toes.